Jacques Lacan, séminaire L'envers de la psychanalyse, le 21 janvier 1970. Au niveau de structure, je me pense cette année de l'article. Boucle. Tournis. Trois autres, respectivement dénommés, je le rappelle, pour ceux qui viennent d'ici, sporadiquement, dénommés un discours du maître, celui de l'intérêt. Je dis au milieu aujourd'hui. Enfin, qui vient ici nous intéresse à un haut degré, puisqu'il s'agit d'une chose située comme universitaire. Ce discours analytique. Le décalage en carte de cercle. Dans ce structure, les trois autres. Cela ne veut pas dire qu'il les résout. Qu'ils permettent de passer à l'envers. Ça ne résout rien. L'envers n'explique nul endroit. C'est un rapport de trace, de texte qu'il s'agit, de tissu, si vous voulez. Il n'en reste pas moins que ce tissu a un relief. C'est qu'il attrape quelque chose. Certes pas tout, bien sûr. Qui n'a d'existence que de langage. Le langage montre la limite, précisément. Que même au monde du discours, rien n'est tout, comme je dis, mieux, si vous voulez. Que le tout comme tel se réfute, s'appuie même de voir être réduit dans son emploi. Ceci peut nous introduire. À ce qui aujourd'hui sera l'objet d'une approche tout à fait essentielle à cette fin de démonstration de ce que c'est qu'un envers. Envers à ça lui-même, avec vérité. En vérité, il y a quelque chose qui mérite d'être appuyé de ce débat. Un mot aidé à manier hors de l'âme en logique propositionnelle où l'on en fait une valeur. Une valeur réduite à l'inscription au maniement d'un symbole, ordinairement le grand V, son initial. Nous verrons cet usage est très particulièrement dépourvu d'espoir. C'est bien ce qu'il a salué. Néanmoins, partout ailleurs, nommément chez les analystes, je dois le dire, et pour cause, car les analystes femmes, il provoque un curieux frémissement. L'ordre est celui qui les pousse depuis quelque temps à confondre la vérité analytique avec la révolution. J'ai déjà dit l'ambiguïté de ce terme. Et aussi bien de vouloir dire révolution dans l'emploi qu'il a dans la mécanique céleste, à savoir retour au départ. C'est bien par certains côtés ce que le discours analytique, comme je l'ai dit tout d'abord, peut accomplir au regard de trois autres ordres situant voilà, trois autres structures. C'est bien pourquoi c'est au pas. Puisque ce n'est pas par hasard moins enfermés que leurs partenaires dans ce cycle des discours. L'homme, le mâle, le viril, tel que nous le connaissons, est une création de discours. Rien tout au moins de ce qui s'en analyse ne peut se définir autrement. Bien sûr, on ne peut en dire autant de la femme. Néanmoins, aucun dialogue n'est possible qu'à se situer au niveau du discours. Pourquoi, avant de frémir, la femme manie la vertu révolutionnaire de l'analyse pourrait se dire que bien plus que l'homme, elle a à bénéficier de ce que nous appellerons une certaine culture. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de dogme, bien au contraire. Quand elle s'en anime, elle devient dans ce cycle un guide éminent. C'est ce qui définit l'hystérique Et c'est pourquoi, au tableau, rompant l'ordre de ce que j'y écris, d'habitude, je l'y ai placé au centre. L'éclair pourtant, ce n'est pas par hasard, le mot vérité provoque chez elle ce particulier prémisse. Seulement, la vérité n'est pas, même dans notre contexte, qu'un accès facile. Comme certains oiseaux de ce dont on parlait, en étaient petits. Comme certains oiseaux, ça ne s'attrape qu'on lui mette sel sur la queue. Et bien sûr, ce n'est pas facile. Mon premier livre de lecture avait pour premier texte une histoire qui s'intitulait c'est ça qu'on y parlait, histoire d'une moitié de poulet. Ce n'est pas un oiseau plus facile à attraper que les autres, dans la condition de mettre celle sur la tête. Ce que j'enseigne après, depuis, quelque chose que la psychanalyse pourrait s'intituler Histoire d'une moitié de sujet. Où est le vrai du rapport entre cette histoire d'une moitié de poulet et l'histoire d'une moitié de sujet? On peut le prendre sous deux angles. L'histoire. Ma première lecture a déterminé le développement de ma pensée, comme on dirait dans une thèse universitaire. Depuis la structure, de savoir l'histoire de la moitié de poulet qui pouvait bien présent. Pour l'auteur qui l'avait écrite, quelque chose se reflétait. Je ne sais quel pressentiment, non pas de la psychanalyse, comme on dit dans le pays d'Antarisme, mais de ce qu'il en est du sujet. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y avait aussi une image. Sur l'image, le moitié de poulet était le profil du gros côté. On ne voyait pas l'eau, la coupe, telle que l'était. Probablement, puisqu'on voyait dans sa face droite, sans cœur, et pas sans foi. Dans les deux sens du mot, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la vérité est cachée. Mais elle n'est peut-être qu'absente. Ça arrangerait tout si c'était ça. On n'aurait qu'à bien savoir tout ce qu'il y a à savoir. Et après nous, pourquoi pas? Quand on dit quelque chose, il n'y a pas besoin d'ajouter que c'est vrai. Autour de là tourne toute une problématique du jugement. Vous savez bien que M. Frege pose l'assertion sous la forme d'un trait horizontal et la distingue de ce qu'il en est quand on affirme que c'est vrai. Y mettre un trait vertical, l'extrémité est courte. Ça devient alors l'affirmation. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Ah, mon Dieu, c'est ce qui s'est dit. La phrase, il n'y a pas moyen de la faire supporter d'autre chose que du signe en tant qu'il ne concerne pas l'objet, à moins que, comme un logicien, quand j'avancerai tout à l'heure l'extrémisme, me posiez qu'il n'y a d'objet, pseudo-objet. Nous en tenons à ceci que concerne pas l'objet, mais le sens. Comme sujet de la phrase, il n'y a que le sens. D'où cette dialectique où nous sommes arrivés, que nous appelons le pas du sens, avec toute l'ambiguïté du mot pas. Celui qui commence au non-sens forgé par le cerveau, le verre est un tout, ce qui peut très bien avoir un sens. Il s'agit d'un poste avec des boules vertes, par exemple, ou des boules rouges. Je pense qu'il nous emmène. Parce que ce qu'il en est de l'être tient au sens et que ce qui a le plus d'être. Dans cette voie, c'est dans cette voie en tout cas qu'on a franchi ce pas de sens, ce penser que ce qui a le plus d'être ne peut pas ne pas exister. Le sens, si je puis dire, à charge d'être. N'aime pas d'autre part. Bon, on s'est aperçu depuis un certain temps que ça ne suffit pas à faire le poids. Le poids, justement, l'existence. Chose curieuse, du non-sens, ça le fait. Ça prend à l'estomac. Particulièrement, c'est là, le pas franchi par Freud, savoir montrer que c'est ce qu'a d'exemplaire le mot d'esprit. Le mot sans queue ni tête, ça ne rend pas plus facile de lui mettre du sel sur la queue, justement. La vérité s'envole. La vérité s'envole au moment même où vous ne vouliez plus la saisir. D'ailleurs, puisqu'elle n'avait pas que comment auriez-vous pu. Sidération et lumière. Comme vous vous en souvenez, une petite histoire assez plate d'ailleurs, de réplique sur le beau d'or, de suffire à le réveiller. Qui dort debout. On voit alors qu'il est, je puis dire, tordu. Entre le dur désir de durer des lards et le désir de dormir, qui est bien la plus grande énigme, sans qu'on semble s'en habiter, que Freud avance dans le mécanisme du rêve, car ne l'oublions pas, gauche sous schlafen, dit-il. Ne pas dire schlaf de dormir, besoin de dormir, c'est pas ça qu'il s'agit. C'est le gauche sous schlafen qui détermine l'opération du rêve. Il est curieux. Il complète cette indication de ceci qu'un rêve qui réveille. C'est juste au moment où le rêve pourrait lâcher la vérité. Qu'on ne se réveille que pour continuer à rêver dans le réel, pour être plus exact, dans la réalité. Tout cela, ça frappe. Ça frappe un certain manque de sens. La vérité, comme le naturel, revient au galop. Un galop tel même, à peine elle traverse notre champ, elle est déjà partie de notre côté. L'accent dont je parlais tout à l'heure, et la langue française produit une curieuse contamination. Si vous prenez le sang, S-A-N-S, sans venir du latin signé, qui est bien peu probable, puisque sa forme première était quelque chose comme S-E-N-Z. Nous apercevons que l'accent à l'ablatif, employé dans les textes juridiques, et d'où provient ce texte qui le porte, S-A-N-S, le terme, sans queue ni tête, l'avance ce qui déjà produit depuis le début que nous dénonçons aujourd'hui. Alors quoi? N'est-ce pas d'une puissance qu'il s'agit, tout autre que de cette empuissance d'une virtualité imaginaire? Une puissance peut-être trompeuse, mais bien plutôt sur ce qu'il y a d'être dans le sens qui est à prendre autrement que d'être sens plein. Mais bien plutôt si à l'être lui échappe, comme il arrive dans le mot justement dit d'esprit. Comme aussi bien nous le savons, là se passe toujours dans l'acte. L'acte, quel qu'il soit, c'est ce qui lui échappe qui est important. C'est bien aussi ne pas franchir par l'analyse dans l'introduction de l'acte manqué comme tel, après tout, le seul. Sachant qu'à coup sûr, c'est toujours un acte réussi. Il y a là autour tout un jeu. Jeu de l'État. J'ai essayé de montrer le poids et l'accent dans ce que j'appelle le passe. L'angoisse, elle n'est pas sans objet. Nous ne sommes pas sans un rapport avec la vérité. Mais est-il sûr? Nous devions la trouver intus à l'intérieur. Pourquoi pas à côté? Heimlich ou une Heimlich? Chacun a pu, de la lecture de Freud, retenir ce que l'ambiguïté de ce terme accentue. l'intérieur, mais pourtant de l'évoquer, ce qui est l'écran. Là-dessus, les langues parient étrangement elles-mêmes. Vous êtes-vous aperçu que homeliness en anglais, ça veut dire sans façon. C'est bien pourtant le même mot que Heiligkeit. Ça n'a pas tout à fait le même accent. Bien pourquoi aussi Philos se traduit en anglais par meaningless, c'est-à-dire pas le même mot. Qui pour traduire une signe donnera nonsense. Fait que certes que l'antiquité des racines en anglais prête à de singuliers évitements. Par contre, l'anglais curieusement. Et d'une façon quasi unique, appellera without, le sang, avec, est en dehors. La vérité semble bien en effet nous être étrangère. J'entends notre propre vérité. Elle est avec nous, sans doute. Le sang qu'elle nous concerne. Tellement qu'on veut bien le dire. Tout ce qu'on peut dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous ne sommes pas sans l'histoire. Ceci, en somme, à être à sa portée, eh bien, nous nous en passerions bien. Si nous passons du sang au passant et de là au sang passant. Je vais essayer de faire un petit surprise. Et aller à l'auteur qui a articulé le plus fortement ce qui reste de ce qui consiste comme entreprise à cause qu'il n'y a de vérité qu'inscrite en quelques propositions. À essayer d'articuler ce qui du savoir comme tel. Le savoir étant constitué d'un fondement de proposition. Ce qui du savoir en toute rigueur peut fonctionner comme vérité. Ce qui de quoi que ce soit, qui se propose, peut être dit vrai et soutenu comme tel. Il s'agit d'un nommé Wittgenstein. Puis je le dis, facile à lire, sûrement, effectivement. Si vous savez vous contenter de vous déplacer dans un monde qui est strictement celui d'une cogitation, sans y chercher aucun fruit, ce qui est votre mauvaise habitude. Vous n'avez beaucoup à cueillir des pommes sous un pommier, même à les ramasser par terre. Tout vaut mieux pour vous que de l'habitation, un certain temps, sous un pommier dans les ramures, peuvent suffire à capter très étroitement votre attention pour que vous y obligiez. On va tout de même ceci de caractéristique. Vous ne pourrez rien en tirer. Si ce n'est l'affirmation que rien d'autre ne peut être dit vrai que la conformité à une structure que je ne situerai même pas à me mettre un instant hors de l'ombre de ce pommier comme logique, non, comme proprement, pour faire la firme grammaticale, laquelle constitue pour cet auteur ce qu'il identifie au monde. La structure grammaticale, voilà ce qui est le monde. Il n'y a en somme de vrai qu'une proposition composée comprenant la totalité des faits qui constituent le monde. Si nous choisissons dans l'ensemble à y introduire l'élément de négation qui permet de l'articuler, nous aurons bien sûr tout un ensemble de règles à dégager qui constituent une logique. Mais l'ensemble est, nous dit-il, tautologique. C'est-à-dire aussi bête que ceci, que quoi que ce soit, vous énonciez, c'est ou bien vrai ou bien faux. Et énoncer ceci, c'est ou bien vrai ou bien faux, c'est forcément vrai. Mais aussi, que ceci annule le sens de ce que je vous ai dit contre l'utile à la proposition 6, 0, 0, 5, 2, 3, 4, puisqu'il les numérote, tout ce qui vient d'énoncer ici est à proprement parler une signe, c'est-à-dire annule le sens. Rien ne peut dire ne soit totalé. Ce dont il s'agit après être passé, donc, une circulation dénoncée dans le groupe 3, que chacun est extrêmement attachant, c'est le lecteur, surmonter tout ce qui vient de se dire pour conclure qu'il n'y a rien d'autre de visible, mais que tout ce qui peut dire n'est que non. Peut-être un peu vite pour vous résumer le tractus logico-philosophicus de Wittgenstein. Ajoutons. Remarque seulement que rien ne peut dire que de fait n'est vrai qu'à la condition de partir de l'idée. La démarche qui est celle de Wittgenstein, que le vrai est un attribut de la proposition crue. J'appelle proposition crue celle qu'ailleurs on mettra entre guillemets. Chez un croix, par exemple, c'est-à-dire où l'on distingue l'énoncé de l'énonciation. Ce qui est une opération que, pour avoir construit mon graphe précisément sur son fondement, n'hésite pas pourtant à déclarer après. Car il est clair qu'il est soutenable. Comme c'est la position de Wittgenstein, de dire qu'il n'y a à ajouter nul signe d'affirmation à ce qui est assertion du responsable. L'assertion s'annonce comme vérité. Comment on peut alors sortir, s'il en est des conclusions de Wittgenstein, non à le suivre, la même où il est entraîné, de savoir vers la proposition élémentaire dont la notation comme vraie ou fausse est celle qui doit de toute façon assurer. quelle qu'elle soit, la vraie ou fausse, la vérité de la proposition composée. Quels que soient les faits du monde, je dirais plus, quel que soit ce que nous en énonçons, la tautologie de la totalité du discours, c'est cela fait le monde. Prenons la proposition la plus récente. J'entends grammaticalement. Je vous rappelle bien que déjà les stoïciens y avaient pris. Pour l'introduire dans la forme la plus simple de l'implication. Je ne dirais même pas que là, je n'en prendrais que le premier membre, que comme vous le savez, une implication est une relation entre deux propositions. Il fait jour. C'est bien le minimum. Il au mieux, il fait, ça fait, c'est le même sens. On sait bien Wittgenstein, ne soutient le monde que de fait. Nulle chose ne n'est soutenue de drame de fait. Nulle chose au reste inaccessible. Seul le fait particulier. Ce fait qu'il fasse jour. N'est fait que de ce que ça se soit dit. Le vrai ne dépend. C'est là qu'il ne faut réintroduire. Dimension qui en sépare arbitrairement, le vrai dépend de mon énonciation, à savoir si je l'énonce à propos. Le vrai n'est pas interne à la proposition ou ne s'annonce que le fait, le factice du langage. C'est vrai que c'est un fait. Un fait que constitue que je le dis, à l'occasion, pendant que c'est vrai. Et que ce soit vrai n'est pas un fait. N'ajoute pas expressément. Au reste, c'est vrai. Et comme le fait remarquer très bien Wittgenstein, justement, c'est superflu que je réagisse. Que c'est vrai. Seulement, voilà. Ce que j'ai à dire à la place de ce superflu, c'est qu'il faut que j'ai une raison, vraiment, de le dire. Il va s'expliquer par la suite. Justement, je ne le dis pas que j'ai une raison, je continue la suite, à savoir ma déduction. Et j'intègre, il fait jour, peut-être à titre de salle, même si ce serait un monde incitant. Peut-être d'en profiter pour faire croire à quelqu'un qui verra clair sur les intentions. La bêtise, si je puis m'exprimer ainsi, c'est d'isoler le factice qu'il fait jouer. Croire à quelqu'un qui verra clair. La bêtise, si je puis m'exprimer ainsi, c'est d'isoler le factice qu'il fait jouer. C'est une bêtise prodigieusement féconde. Car il en ressort un appui, et très précisément celui-ci de ce qui résulte, qu'on pousse jusqu'à ses dernières conséquences, dont j'ai pris appui moi-même à savoir qu'il n'y a pas de métalangage. n'y a pas d'autre métalangage que toutes les formes de la canaillerie. Des unions curieuses d'opérations qui se déduisent de ceci que le désir de l'un et le désir de l'autre. Toute canaillerie repose sur ceci. Se voir de vouloir être l'autre, j'entends le grand autre de quelqu'un. Là où se dessinent les figures où son désir sera capté. Aussi bien, cette opération Wittgensteinienne n'est-elle en rien qu'une extraordinaire parade d'une détection de la canaillerie philosophique. Il n'y a sens que du désir. Voilà ce qu'on peut dire après avoir lu Wittgenstein. De vérité, que de ce qu'il cache le petit désir de son ventre pour faire mine de rien de ce qu'il trouve. Et que nulle lumière plus certaine n'apparaît ce qui résulte pour que les logiciels puissent toujours à seulement nous éblouir de l'air de paradoxe qu'a ce qu'on a appelé l'implication matérielle. Ça veut dire peut-être. On l'a appelé matériel que récemment, ces implications, du coup, on l'a appelé matériel récemment parce que tout d'un coup, on se frotte les yeux qu'on commence à comprendre. Est-ce qu'il y a d'énormité qu'il en est de l'implication. Je parle de celle que telle historicien a soutenu. C'est à savoir que les sont les trois implications, certes, que le faux implique le faux, le vrai implique le vrai. Mais il n'est nullement à écarter que le faux implique le vrai. Puisqu'au total, quand il s'agit de ce qui s'applique et de ce qui s'applique est vrai, eh bien, l'ensemble de l'implication l'est aussi. Comment ça veut dire quelque chose? Pour Aquane, pourrions-nous pas décaler légèrement le mot implique, nous apercevoir de sa saillance. Ceci qu'on savait très bien au Moyen-Âge, falso, c'est culture, quoi qu'il y ait. Que le faux comporte aussi bien le vrai à l'occasion. Aussi bien dit que le vrai suffit de n'importe quoi. Mais si par contre nous repoussons que le vrai comporte le faux, peut avoir une suite faux, car c'est là ce que nous repoussons, faute de quoi, il n'y aurait aucune articulation possible de la logique propositionnelle. Nous aboutissons à ce curieux constat que le vrai a donc une généalogie qui remonte toujours à un premier vrai où il ne saurait plus déchoir. C'est là une indication si étrange, si contestée. Notre vie, j'entends de sujet, qu'à soi tout seul, suffirait à mettre en question que la vérité puisse d'aucune façon être isolée comme attribut, attribut de quoi que ce soit qui puisse s'articuler en savoir. L'opération donc analytique, c'est quelque chose qui se distingue de s'avancer dans ce champ d'une façon distincte de ce que j'appelle incarné. Dans le discours de Wittgenstein, à savoir une férocité psychotique auprès de laquelle le rasoir d'un calme bien connu et saignant que nous ne saurions admettre aucune notion logique que nécessaire n'est rien. La vérité nous repasse au principe. Est certes inséparable des effets de langage pris comme tel. Nulle vérité au ciel ne saurait se localiser au champ où cela s'énonce. Où cela s'énonce comme ça peut. Donc, il est vrai qu'il n'y a pas vrai sans faux. Au moins dans son principe. Ceci est vrai. Mais qu'il n'y ait pas de vrai sans faux, qu'il n'y ait pas de faux sans vrai, cela est faux. Je veux dire que le vrai ne se trouve que hors de toute proposition. Dire que la vérité est inséparable des effets du langage pris comme tel, c'est y inclure l'inconscient. Avancer par contre, comme je le rappelais la dernière fois, que l'inconscient est la condition du langage, prend ici son sens de vouloir du langage un sens absolu répond. Donne bien autrefois l'un des auteurs de ce discours sur l'inconscient, sous-titré études psychanalytiques. C'est un être sous une base, d'ailleurs arbitrairement traité au regard de ce que j'en fais. Cette superposition d'un être par une base sur lui-même, cette désignation, un signifiant dont le sens serait absolu. Où s'indique ce très facile à reconnaître? Car il n'y a qu'un signifiant qui puisse répondre à cette place, c'est le « je ». Le « je » en tant qu'il est transcendantal, mais aussi bien qu'il est illusoire. C'est là l'opération racine, dernière, celle dont s'assure irréductiblement, justement, et effectivement, ce n'est pas un hasard, que désigne l'articulation du discours universel. Le jeu transcendant, c'est celui que quiconque a énoncé un savoir d'une certaine façon, recèle comme vérité le S1, le je maître. Le je identique à lui-même, c'est très précisément ceci dont se constitue le S1 de l'impératif pur, c'est-à-dire très précisément ce le je se verra, car l'impératif est toujours à la deuxième personne. Mais le but du je idéal, du je qui maîtrise, du je par où au moins quelque chose est identique à soi-même, à savoir l'énonciateur, est très précisément ce que le discours universitaire ne peut éliminer de la place où se trouve sa vérité. Bien sûr, nul énoncé universitaire d'une philosophie quelconque, peut-être à la rigueur, on pourrait épingler comme l'étant la plus opposée, à savoir si c'était de la philosophie pour Lacan, qui veut irréductiblement observer la géographie. Coupure milieu de bande. Pour les philosophes, la question a toujours été beaucoup plus souple et pathétique. Souvenez-vous quoi il s'agit. Tous l'avouent plus ou moins, certains d'entre eux les plus lucides en clair. Ils veulent sauver la vérité. Ceci a entraîné l'un d'eux, de ma foi, fort loin, pour refuser, comme dit Wittgenstein, d'aboutir à ceci qu'a en fait la règle et le fondement du savoir. Il n'y a plus rien à dire, rien en tout cas qui la concerne comme telle, pour éviter ce refus. Assurément, l'auteur a ceci de proche de la position de l'analyste, qu'il s'élimine complètement de son discours. J'ai parlé tout à l'heure de psycho. C'est un tel point de concurrence du discours le plus sûr, avec je ne sais quoi, qui s'indique comme psycho, à simplement en ressentir les faits. C'est remarquable, une université, comme l'université anglaise spécialement, elle fait sa place, place en quelque sorte, à part, c'est bien le cas de lui, place d'isolement à quoi l'auteur collaborait, puis dire, parfaitement lui-même, si bien de temps en temps, se retirant une petite maison de campagne pour revenir et poursuivre cet implacable discours. On peut dire que même celui des Principia Mathematica de Russell se trouve contre-trouvé. Celui-là ne pouvait pas sauver la vérité. Rien ne peut s'en dire ce qu'il disait, ce qu'il est là sûr. Puisqu'aussi bien avec elle, nous avons affaire tous les jours. Mais comment est-ce que Freud définit la position psychotique dans une lettre que j'ai maintes fois citée? Précisément ceci qu'il appelle l'unglauben. Ne rien vouloir savoir du coin où il s'agit de la vérité. Chose étrange. La chose est pour l'universitaire si pathétique qu'on peut dire que le discours de Polybère qui fondement de la psychologie concrète à quoi il a incité l'approche de l'analyse en est un exemple. Tout ce comment de cette époque pour sortir, il sent bien qu'il y a là quelque rompre par contre du discours universitaire qu'il a formé de une vraie émergence. Il faut lire ce petit ouvrage réédité en livre de poche, sans que je sache à la connaissance que rien puisse prouver que l'auteur lui-même eût approuvé cette réédition. Chacun sait le drame qu'a été pour lui l'accablement des fleurs sous lesquelles a été couvert. Ce qui d'abord se pose comme une révolte. et par cinq autres sur ce qu'il en est de la psychologie spécialement universitaire, sont étrangement suivis d'une dénonce. Ou certes, on peut dire que l'essentiel de ce qu'il avait fait dire, que c'était la base à sortir, espoir pour lui, d'émerger de cette psychologie, c'est qu'il a mis l'accent sur ceci, que personne n'avait fait à son époque, que l'essentiel de la méthode freudienne pour aborder ce qu'il en est des formations de l'inconscient, c'est de se fier au risque, l'accent sur ce fait de langage. Toutou le prédit, rue du Parti, n'ira pas jusqu'à dire qu'à l'époque, c'est de la petite histoire. Sur l'époque, il n'était pas question du directeur, public calmant, l'école normale, de la moindre habité, de ce qu'elle a l'impression. Mais, tout de même, d'avoir approché que c'est là le ressort qui donne espoir, de ce qu'il appelle étrangement psychologie concrète, il est singulier. Il faut lire ce petit livre. Il le fallait, je le lirai avec vous, j'en ferai un jour ici ma vieille, à notre entretien. Mais j'ai assez de choses à dire pour ne pas non plus à m'attarder à quelque chose que chacun d'entre vous peut voir. L'étrangeté significative de ceci. C'est comme, et ceci se suit pas à pas, c'est à vouloir sortir du discours universitaire qu'implacablement on y rentre. Car qu'est-ce qu'il fera comme objection aux énoncés, je parle, à la terminologie des mécanismes qu'avance Freud dans son progrès théorique? Sinon, elle s'énonçait autour de faits isolables, d'abstractions formelles, comme il s'exprime confusément, il laisse échapper, et l'essentiel de l'exigible en matière de psychologie, c'est que tout fait psychique ne soit énonçable qu'à préserver ce qu'il appelle l'acte du jeu, et mieux encore, la continuité. Écrit la continuité du jeu. Qui, sans doute, a permis au rapporteur dont je parlais tout à l'heure, qui a introduit cette petite référence à policière, histoire comme ça d'Amel Witt, qui pouvait alors avoir comme auditoire, je peux toujours dire, quand on a de temps en temps un universitaire qui s'est montré par ailleurs un héros, bonne occasion quand même de le produire. Mais ça ne suffit pas si l'on en profite, au lieu de pouvoir en démontrer l'irréductible des discours universitaires par rapport à l'analyse elle-même, dans cette sorte de lutte singulière dans ce livre témoin, car il ne peut pas s'assentir. On vient en tête la pratique analytique et tout près de quelque chose qu'idéalement il dessine comme tout à fait hors du champ de tout ce qui s'est fait jusque-là comme psychologie. Mais sans pouvoir faire autrement que de retomber sur cette exigence du jeu. Non, certes, moi-même, j'y vois quelque chose qui soit irréductible. Le rapporteur en question s'en débarrasse, en quelque sorte, trop aisément a dit que l'inconscient ne s'articule pas en première personne et s'armer pour cela. De telle et telle de mes énoncés sur le fait que le message du sujet, il le reçoit de l'autre sous sa forme inversée. Ce n'est certes